Non. Je pense qu'il n'y a pas de lumière avec, une, avec un pantalon à fermeture peut-être éclair. Peut-être si on va vite. Mmh, ouais, ça fait des étincelles, mais. Oui. Mieux vaut pas laisser l'appareil au milieu, hein. On peut peut-être lui allumer le feu avec. Ouais, oui, on peut peut-être, ouais. Mickaël à la radio. Le replay. Il n'arrêtera pas la faim dans le monde. Il ne remboursera pas la dette de l'Europe. Il n'arrêtera pas les guerres. En fait, il ne changera rien. Mickaël vous sort du lit tous les matins et c'est déjà pas mal. This is Mickaël à la radio. 6h-9h30 sur Fun Radio. C'est parti maintenant, les meilleurs messages qui ont été laissés sur le 0473-86-0013, le numéro de la ligne anti-relou. On écoute maintenant le premier message. Oui, bonjour, c'est Abel. La dernière fois, on s'est rencontré en boîte là. Je suis tombé en esclavage de ton sourire et de ton visage. C'est moi ce que je veux dire. Je te laisse. Je te fais de gros bijoux. Allez, ciao. Je suis tombé en esclavage de ton sourire et de ton visage. Je c'est pas mal, les paroles d'une chanson en fait. Ouais, c'est ça. Je suis tombé en esclavage de ton sourire et de ton visage. Moi je m'étais arrêté, il y avait une raison. Moi, hein. Il y avait une raison pour laquelle je m'étais arrêté. Bon, deuxième message. Oui, bonsoir, c'est Chantal. Si tu peux me rappeler au bureau, je suis là jusqu'à 18h, pour ta mutuelle, il y a des papiers qu'il faudrait que tu me ramènes au plus vite. Allez, j'attends ton appel. A plus, salut. Oui. Bah moi j'irai, hein, c'est pour récupérer de l'oseille. Ouais, c'est ça. Bah attends. Les gens comprennent pas comment c'est... il peut donner le numéro non, apparemment. Mais c'est quand même mieux que je suis tombé en esclavage, non? Ouais. Bah quand même. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Mickaël à la radio, le replay.